بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الرابع والسبعين. 74e leçon qui est la dernière leçon de ce kitab qui touche aux Sahaba. قال في سؤال السابع والسبعين بعد 500. 577e question. كم كان عمر عمر عمر أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين مات. Quel âge avait Abu Bakr lorsqu'il est mort? Il avait 63 ans, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement. Après la question d'après, il dit في سؤال الثامن والسبعين بعد 500. 578e question. كم كان عمر عمر بن الخطاب حين قتل. Quel âge avait Omar lorsqu'il a été tué? Également, il avait le même âge, 63 ans. هذا من توفيق الله عز وجل. Après, il dit dans السؤال التاسع والسبعين بعد 500. 579e question. كم كان عمر عثمان رضي الله عنه حين قتل. Quel âge avait Othman lorsqu'il a été tué? Il avait dépassé les 80 ans. Comme le cite Al-Zahabi dans son livre Sir al-Nubala. Qu'il avait plus de 80 ans. ثم قال في السؤال 80 بعد 500 580 question. كم كان عمر علي بن ابي طالب حين قتل. Quel âge avait Ali lorsqu'il a été tué? Également, il avait 63 ans. Et tout cela est cité par Al-Zahabi. ثم قال في السؤال 81 بعد 500 580 question. من هو الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Qui est le meurtrier de Omar? Qui est-ce qu'il a tué? Il s'agit de Abu Lu'lu al-Majusi, la'anahu Allah. Abu Lu'lu al-Majusi, al-Wahshi, la'anahu Allah. Comme l'a cité Ibn Abbas lui-même, lorsqu'il interrogea qui est-ce qu'il a tué, quand Ibn Abbas, lorsque Omar se cite à qui est-ce qu'il a poignardé, Ibn Abbas qu'il a eu Abu Lu'lu, Ghulam al-Mughira ibn Shu'bah. C'est Abu Lu'lu, qui était le servant de Al-Mughira ibn Shu'bah. ثم قال في السؤال الثاني وثمانين بعد 500. 582e question. من هو الذي قتل عثمان. Qui est celui qui a tué Othman? Et ces ma'louf sont les Khawarij. Les Khawarij qui l'ont encerclé dans sa maison, qui l'ont tué injustement alors qu'ils faisaient le Coran. Et ce du fait qu'il lui reposait certaines choses, des choses qu'il lui reprochait, quand même, sur lesquelles Othman s'était justifié. Malgré cela, ils ont refusé et ont décidé de le tuer. Et Othman lui-même a demandé à ne pas être protégé. Othman lui-même a demandé à ne pas être protégé. ثم قال في سؤال الثالث وثمانين بعد 500. 583e question. من هو الذي قتل علي. Qui est celui qui a tué Ali رضي الله عنه. Il s'agit de Abdurrahman ibn Muljam لعنه الله. Abdurrahman ibn Muljam, qui était un Khalidi également. C'est un Khalidi, c'est lui qui a tué Ali. Donc là, on voit que Abu Bakr lui est mort de maladie ou de vieillesse. De maladie plutôt. Omar a été tué en shahid. Othman Kazalik en shahid. Et Ali en shahid. Et si quelqu'un pourrait disait pourquoi, et la preuve qu'ils ont tué en shahid, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il était monté sur la montagne de Uhud une fois avec Abu Bakr et Othman et Omar, la montagne s'est mise à trembler. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le dit, « Ya Uhud, innama alayka nabiyun wa siddiqun wa shahidan. » Il a dit à le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Uhud, « Il n'y a sur toi qu'un prophète, un véridique, c'est-à-dire Abu Bakr al-Siddiq, et deux martyrs. » Et également, il faut savoir que le siddiq est d'un niveau plus haut que le martyr. Le siddiq est d'un niveau plus haut que le martyr. Comme a dit Ta'ala, أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Que Allah dans le sens où il dit, ceux-là sont à qui Allah a accordé leurs bienfaits, comme les prophètes, donc en premier lieu, puis les véridiques, puis les martyrs, puis les pieux. Car le shahada, le martyr, peut accorder par même des gens qui sont pervers. S'ils font un combat, par exemple, ou qu'il leur arrive des choses, comme dans les hadiths du shahada, du martyr, ça peut être obtenu par même des gens qui ne sont pas pieux à la base. Mais ce qu'on appelle siddiq, ça c'est un niveau qui est plus haut. Maintenant, bien évidemment, des gens comme Omar et comme Ali également sont des siddiqines. Mais Abu Bakr siddiq avait un statut plus haut dans ce niveau-là, car c'était même son surnom, siddiq. D'accord, As-Siddiq. Thumma qala fi su'al Arabiya 80 wa 500. Man huwa akhir man mata min as-sahaba ala al-itlaq? Qui est le dernier sahabi est mort? Dernier. Il s'agit de Abu Tufayl Amir ibn Wathila. Abu Tufayl Amir ibn Wathila. Il dit, je crois qu'il est mort en Afrique. Il dit qu'il est mort en Afrique. Et ça, ça a été rapporté justement par Muslim. Yani mata Abu Tufayl sanat miyat wa kana akhir man mata min ashab Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال في السؤال الخامس وثمانين بعد خمسمية. 585e question. ما هي القرون المفضلة؟ Qui sont les meilleures générations, les siècles de vertu? Il s'agit des Sahaba, des Tabi'un, des Tabi'u Tabi'in. C'est-à-dire les Sahaba, les compagnons, leurs suiveurs et les suiveurs des suiveurs. Premier siècle, deuxième siècle, troisième siècle. Et le dalil, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, khaylu al-nas, korni, thumma al-lazina yalounahum, thumma al-lazina yalounahum. C'est-à-dire que les meilleurs des gens sont mon siècle à moi, c'est-à-dire moi et les compagnons, puis ceux d'après eux. Le hadith mutabakun alayhi. Et hadha huwa al-manhaj al-salaf, an tatba'ha hula tafham al-din ala fahmihim. C'est ça la voie des salafs, c'est de comprendre la religion comme ces trois générations l'ont comprise. Et principalement les sahaba. Principalement les sahaba. ثم قال في السؤال الثالث والثمانين بعد خمسمية. 586e question. من هو السيد التابعين? Qui est le maître, le meilleur maintenant des tabi'in? Car on a su qui était le meilleur des compagnons, c'était Abu Bakr al-Siddiq. Maintenant le meilleur des tabi'in c'est qui? Il y en a deux. Dans la science, ils disent que c'est Saïd ibn Musayyib. Saïd ibn Musayyib. D'accord? Dans le niveau de la science, c'était lui le meilleur. Même des Sahaba prenaient la science de lui. Certains Sahaba prenaient la science de Saïd ibn Musayyib. Des Sahaba qui ont vu le Nabi Sallam que peu de temps et qui ont été loin de lui. Et également, le meilleur des tabi'in dans le mérite ce qui touche à l'adoration et réel zalika, c'est Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni, et cela comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam à Omar ibn Khattab, qui lui a dit, si jamais tu le rencontres, demande-lui qu'il demande pardon pour toi et ce sera exaucé. Car c'était un homme qui est très pieux envers sa mère. Et lorsque Ouess al-Qarni a su que les gens l'avaient découvert, il s'est isolé et s'est caché pour ne pas être importuné et pour ne pas ouvrir des portes de fitan. Et regardez, ça c'est aussi également une chose à prendre en considération quand on voit parfois des gens qui sont célèbres, qui se soumettent à Allah Azzawajal, qui rentrent en islam, qui étaient des anciens, par exemple, footballeurs, anciens chanteurs, anciennes personnalités, et tu les vois se servir de leur succès pour se faire connaître encore plus après l'islam. On dit, la voie à suivre, la plus raisonnable, c'est de la discrétion. Car déjà, en premier lieu, ces gens-là, souvent quand ils se convertissent, et en islam, ils sont ignorants. Donc ils sont à même d'être appâtés par n'importe quelle secte déviante et à dire des choses qui ne sont pas de la religion. On a vu plein de gens comme ça qui rentrent en islam, c'était un ancien rappeur par exemple, il rentre en islam, et après, on voit les gens être encore plus autour de lui qu'ils le sont autour des savants ou des prédicateurs. On dit, qu'est-ce qu'il a cet homme-là de plus qu'un autre? C'est un ancien chanteur. La chanson, c'est interdit en islam. Maintenant, il est musulman. Comment se fait-il que les gens l'aiment autant aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Il n'a rien de particulier. C'est quelqu'un comme toi, ou ça se trouve, tu es meilleur que lui, puisqu'il était célèbre auparavant. Aujourd'hui, il est au même stade que toi. Et normalement, même, il devrait faire tawba, une tawba sincère, et regretter tout ce qu'il a fait auparavant. Regretter tout ce qu'il a fait auparavant. Une fois, on avait demandé à Cheikh Badjamel, ou plutôt à Cheikh Abdelhamid, ceux qui, mathalan, avaient un pseudonyme auparavant, un nom de scène, et puis en se soumettant à Allah, en entrant en islam, ils conservaient ce nom de scène pour se faire connaître. Il dit, le meilleur, c'est qu'ils se fassent appeler comme ses parents l'ont appelé, c'est-à-dire tant que c'est un nom qui est halal, car le fait de prendre un nom muslim, un nom arabe, ce n'est pas obligatoire, mais c'est meilleur. Sans quoi, ce genre de nom, faut être délaissé, car cela est une tawba de ton passé. Et alors, principalement les femmes. Une femme qui était une chanteuse, qui était connue, elle s'est fait voir par tout le monde, à la télévision, tout le monde sait à quoi elle ressemble, quel est son visage, quel est son corps, Rel Zalika, et tu la vois aujourd'hui continuer à se faire appeler par son prénom de scène, son nom de scène. Normalement, elle doit rester discrète et se faire oublier. reste dans son coin et reste dans son foyer, s'occuper de son mari et de ses enfants. Au lieu de plutôt de se mettre en avant. Et surtout que aujourd'hui, même si elle est soumise à l'islam, elle n'est pas une savante, encore moins une daïa ilallah, et pas une talabat al-ilm. Donc quel avantage va-t-elle apporter à la Oumma à parler? Quel avantage va-t-elle apporter à la Oumma à parler? Ouvrir des comptes Facebook ou Twitter ou Rezalika. Ça c'est pas une bonne voie, ça là. Ça c'est une voie qui amène à la fitna, à la tentation. Pour elle et pour les gens. Pour elle et pour les gens. Wallahi azbillah. Voilà le musta'an. ثم قال في سؤال 87 بعد 500 بماذا كان يلقب علي بن حسين ابن علي ابن ابي طالب. Par quoi se faisait surnommer Ali, c'est-à-dire le arrière-petit-fils du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était le fils de Hussein, qui était le fils de Ali, qui se faisait appeler Zain al-Abidin, comme le cité Al-Hafiz ibn Hajar. Rahmatullahi ta'ala. Zain al-Abidin. Bien d'accord, Naktafi. Et là, on a fini, alhamdoulilah, le dernier ders touchant à Fiktab al-Siyara, touchant aux choses qui touchent aux Sahaba. Radiallahu anhum ajma'in. Fa ila huna.